Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est toujours un moment privilégié. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui le pape de l'histoire napoléonienne, Jean Tullard en personne. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jean Tullard est aussi un très grand connaisseur du cinéma. Mais lorsqu'il vient nous rendre visite, c'est vrai que c'est presque toujours pour parler d'Empire. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous allez en effet aborder cet après-midi une affaire criminelle qui a marqué les annales impériales, l'affaire Stapps. Et oui, cette affaire Stapps, c'est-à-dire une tentative d'assassinat dirigée contre Napoléon lui-même. Ensuite, nous irons en compagnie de Lorena Martin sur les lieux du crime ou de sa tentative. Puis, en cette veille de week-end, nous demanderons à Clémentine Portier-Kaltenbach de nous livrer son coup de cœur. Je vous avoue que tout cela me plaît bien. C'est un bon programme. Début octobre 1809, un bateau vogue sur le Danube en direction de Vienne et à son bord, un Allemand de 17 ans. Vous pouvez imaginer un physique assez anodin, visage agréable, presque adolescent, cheveux châtains, taille moyenne. Bon, apparemment, un garçon passe partout. Et pourtant, ce jeune inconnu qui s'appelle Frédéric Stapps rejoint la capitale impériale avec un but peu avouable puisqu'il a l'intention d'y commettre un meurtre. Et pas n'importe quel meurtre, puisqu'il s'agit de tuer Napoléon. Himself, si j'ose dire. Encore quelques semaines plus tôt, ce simple fils de pasteur menait une vie ordinaire d'apprenti dans un commerce d'Erfurt, au cœur de l'Allemagne actuelle. Une existence qu'une révolte profonde est venue troubler, liée à l'actualité mouvementée de l'époque. En cette année 1809, une énième confrontation oppose la France et l'Autriche. Mais cette fois, la puissance napoléonienne a semblé vaciller lors de la bataille d'Essling en mai, de quoi agiter les esprits dans le monde germanique qui à l'époque vit sous le joug français, entre espoir et crainte. Quelques semaines plus tard, le 6 juillet, l'empereur des Français a battu les Autrichiens à Wagram. Le combat a été âpre, la bataille décisive. Et pour le jeune Friedrich Stapps, dans son comptoir d'Erfurt, c'est, semble-t-il, le coup de trop. Il s'est senti porteur d'une mission, et cette mission, c'est de débarrasser le monde de Napoléon, du bourreau de ce qu'il considère comme sa nation, son pays en tout cas. Du moins, si l'empereur n'est pas décidé à renoncer à sa politique guerrière. Alors après quelques hésitations, Frédéric a choisi de tout abandonner et d'agir. Puisque Napoléon se trouve à Schönbrunn, près de Vienne, on peut même dire aux portes de Vienne, où il est en pleine négociation diplomatique, le jeune Allemand est décidé à se mettre en travers de son chemin. À son arrivée dans la capitale autrichienne le 7 octobre, Frédéric trouve une auberge et puis le lendemain, il va dénicher un petit logement dans un faubourg de la ville. On le voit courir les troquets, il lit les gazettes locales, il entend bien sûr des nouvelles, des rumeurs sur cette paix qu'on est en train de négocier. Il n'y croit guère, au demeurant, il reste convaincu qu'il n'a d'autre possibilité qu'intervenir. Ainsi, dès le 8 octobre, il prend le chemin du palais, le voilà sur la route de Schönbrunn, au sud-ouest de Vienne. Il a pris avec lui une canne à épée. Il entend se rendre à une revue militaire, qui va être évidemment conduite par Napoléon. Savary précise, il est cité par Jean Tullard, « L'empereur avait dans la cour du château de Schönbrunn une grande parade à laquelle il faisait venir successivement les hommes qui sortaient des hôpitaux ainsi que tous les régiments qui avaient le plus souffert afin de s'assurer par lui-même qu'on les soignait et qu'on rentrait du monde. » Ces parades attiraient beaucoup de curieux qui venaient exprès de Vienne pour voir cet imposant spectacle. Il faut imaginer Frédéric s'approchant de l'antre de l'ogre, si je puis dire, de ce palais qui symbolise, qu'on le veuille ou non, la puissance Habsbourg, palais où Napoléon s'est allègrement, tranquillement installé. Il arrive assez tard, il y a beaucoup de monde qui est là, qui se presse, les conditions ne sont pas idéales pour atteindre l'empereur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors notre jeune homme se renseigne sur les dates des prochaines revues, il est bien décidé à revenir et cette fois il préparera mieux son coup. La prochaine, c'est pour le 12 octobre suivant, ça laisse un petit peu de temps, notamment le temps d'acheter un véritable couteau de cuisine qui mesure à peu près 40 cm, couteau qu'il entend bien aiguiser pour la circonstance. Et nous voilà au jour J. Frédéric est prêt. Il porte des pantalons grisâtres, une tenue verte. Son visage est surmonté d'un chapeau sombre. Et le voilà qui, à pied, reprend la direction de Schönbrunn. Comme l'explique Édouard Gachot, son plan est assez simple. Sous prétexte de remettre une pétition, faveur alors accordée aux Viennois, on le laisserait s'approcher de l'empereur. Il remettra un placet, si vous voulez. Alors que son couteau est dissimulé sur lui, il est interrogé par un garde tout près de l'entrée du palais. Il doit être assez convaincant sur ses intentions puisqu'on l'autorise à passer. Et le voilà maintenant de l'autre côté des grilles. Il est sur les lieux de son crime. Il n'y a plus qu'à attendre. Il est environ midi quand Napoléon paraît en haut des marches face à la cour de Schönbrunn. Il a près de lui le général Berthier ainsi que son aide de camp. Le général Rapp. Quel suspense! On peut imaginer ce qui se passe dans la tête de Frédéric en voyant cet homme qui domine l'Europe, son excitation, sa résolution. Maintenant, c'est à lui seul, qu'il appartient de changer le cours de l'histoire. Il s'élance en direction de l'empereur des Français. Chaque pas l'approche de son but. Seulement Berthier est là, qui veille au grain, si je puis dire, qu'il voit approcher. Le jeune homme n'est sans doute qu'un simple solliciteur, mais il ne faut quand même pas le laisser s'approcher trop. L'officier vient à sa rencontre, l'interpelle. « Was wollen Sie, que voulez-vous ? » Bien entendu, Frédéric laisse entendre qu'il vient adresser une pétition, qu'il peut le faire, et il a l'intention de le faire directement auprès de l'empereur. Berthier tente de le diriger vers Rapp. Frédéric n'en démord pas. Il reprend sa marche vers Napoléon. Là, vraiment, il n'est plus très loin. Et c'est à ce moment-là que Rapp intervient pour l'éloigner. L'aide de camp se souviendra. Il avait la main droite enfoncée dans la poche de son côté, sous sa redingote. Il tenait un papier dont l'extrémité était en évidence. Il me regarda avec des yeux qui me frappaient. Père, son air décidé me donna des soupçons. Et bien sûr que Rapp ne va pas rester sans réagir. Il fait intervenir un gendarme pour se saisir de cet individu étrange, le mener à l'écart dans un bâtiment. La surprise qui attend le garde chargé de le fouiller n'est pas mince. Quant à l'interrogatoire, il va prendre un tour carrément étonnant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, nous sommes le 12 octobre 1809, nous sommes à Vienne où Napoléon est en train de négocier la paix avec l'Autriche, vaincue à Wagram quelques mois plus tôt. Et c'est alors, vous venez de nous le raconter, qu'au cours d'une parade militaire, Frédéric Staps, un jeune Allemand qui voulait assassiner l'empereur, est arrêté juste avant de parvenir à l'approcher. Alors l'attentat est raté. Oui, plus de peur que de mal. Exactement, mais je me pose quand même cette question. Il y a eu d'autres tentatives pour s'en prendre à Napoléon ? Oh là là, oui. c'est Jean Tullard qui nous le dit. Avec Henri IV et Louis-Philippe, Napoléon est le souverain français qui a échappé au plus grand nombre d'attentats. J'allais dire, on ne les compte plus. Tentatives plus ou moins dangereuses qui ont émané de toutes sortes de milieux, des jacobins d'un côté, des royalistes complètement de l'autre côté. Bon, l'attentat le plus célèbre, celui qui a le plus marqué l'histoire, c'est celui de la rue Saint-Nicaise. Vous savez, la veille de Noël 1800, on est encore sous le consulat à l'époque, quand une sorte de bombe va exploser dans une petite rue près du Louvre, alors que le carrosse de Bonaparte n'est pas loin. Ça s'est joué là, cette fois, à pas beaucoup, si l'on peut dire. Le risque d'attentat est resté sérieux. La police, très bien faite, nous en reparlerons dans un instant, surveille évidemment tous ceux qui pourraient vouloir attenter à la vie de celui qui est devenu depuis empereur. La garde rapprochée se tient prête, comme on l'a vu avec Rapp, qui a jugé prudent de faire arrêter ce Frédéric Staps au comportement suspect. Alors, très vite, Rapp apprend qu'il a eu le bon réflexe, qu'il a bien fait. La présence du long couteau de cuisine que cachait Frédéric est révélée. Et quand l'aide de camp lui demande ce qu'une telle arme faisait sur lui, la réponse du jeune homme ne se fait pas attendre. Il ne s'expliquera que devant l'empereur. Il concède néanmoins qu'il songeait bien à l'assassiner, seulement il insiste. Il ne livrera ses motivations qu'au souverain en personne. Et bien sûr, on ne tarde pas à tenir Napoléon au courant de l'arrestation. Il vient d'entrer en séance de travail avec son ministre des Relations extérieures, qui à l'époque est Champagny. L'empereur s'interrompt. Il exige que rien ne soit divulgué de l'événement et il demande même qu'on présente ce jeune Frédéric Staps en audience. Vous imaginez cette espèce de coup de théâtre? Et voilà donc d'une certaine manière notre jeune Allemand exaucé. C'est même l'empereur lui-même qui va diriger l'interrogatoire, si on peut dire, avec des questions qui sont immédiatement traduites dans les deux sens. Frédéric ne se laisse pas désarçonner par la situation, il est tout à fait placide. On a l'impression que la résolution qui habite ce jeune homme est plus forte que tout. Quand Napoléon fait redemander quelle était son intention, Frédéric dit simplement « vous tuer ». Quant à sa motivation, elle est claire, Vous faites le malheur de mon pays. » Et il ajoute, « C'est l'ultime conviction qu'en vous tuant, je rendais le plus grand service à mon pays et à l'Europe qui m'a mis les armes à la main. » Stabs va révéler aussi que ce n'est pas la première fois qu'il est en présence de Napoléon. Seulement un an plus tôt, à Erfurt, il était venu voir l'empereur de passage en ville et il n'avait pas encore les résolutions qui depuis sont devenues les siennes. À cette époque, il n'avait pas vraiment l'intention de s'en prendre à Napoléon et même, on peut dire qu'il avait été assez exalté par le spectacle qu'il avait eu sous les yeux. C'est une, vous savez, cette attitude qui consiste pour un Allemand à avoir d'abord applaudi Napoléon et ensuite à l'avoir détesté, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une trajectoire unique. On pourrait citer un très grand nombre d'exemples. Le plus célèbre, celui qui vient tout naturellement à l'esprit, puisque nous entendions tout à l'heure quelques accents de la symphonie héroïque, c'est évidemment Beethoven. Il n'est pas allé jusqu'à vouloir tuer Napoléon tout de même. Alors au cours de l'interrogatoire, Frédéric revient sur son parcours, il évoque la genèse de son projet meurtrier, il s'explique sans flancher sur un mode qui est assez extraordinaire et sur le fond, disons-le, on a bien affaire à un exalté, mais un exalté qui met les formes, si je puis dire, et qui jusqu'au bout saura conserver son sang-froid. La stupéfaction de Napoléon est si grande, nous dit Jean Tullard, devant le calme, devant la détermination de ce tout jeune homme, qu'il fait appeler son médecin corvisart arrivé à Schönbrunn pour examiner Stabs. L'examen médical livre un verdict tout à fait clair. Non, Corvisart est obligé de le constater, Frédéric n'est en rien un fou. Vient alors le moment pour Napoléon de trancher. Et à celui qui était là pour le tuer, il lance cette phrase. « Vous avez une tête exaltée. Vous ferez la perte de votre famille. Je vous accorderai la vie si vous demandez pardon du crime que vous avez voulu commettre et dont vous devez être fâché. » Et Frédéric, à ce moment-là, répond « Je ne veux pas de pardon. J'éprouve le plus vif regret de n'avoir pu réussir. Diable ! Il paraît qu'un crime n'est rien pour vous, dit Napoléon. » Vous tuer n'est pas un crime, c'est un devoir. Bon, mais là, que voulez-vous? Il n'y a plus rien à ajouter. L'interrogatoire, si je puis dire, très étonnant interrogatoire, puisqu'il est mené par un empereur, touche à sa fin. Il débouche sur une forme d'impasse. Napoléon essaie néanmoins de toucher Frédéric parce qu'il pourrait être un point faible. Il évoque le portrait d'une jeune fille en sa possession au moment de la tentative d'attentat, mais là non plus, ça ne donne pas grand-chose. Il a l'air inflexible, ce jeune assassin. Et dès lors, son sort est scellé, évidemment. Il n'en a pas fini pour autant avec les interrogatoires et un point néanmoins pourrait inquiéter Napoléon et son entourage. Est-ce qu'il est vraiment possible que ce Frédéric Stabs, ce simple apprenti d'Erfurt, ait entrepris un tel attentat de son propre chef et sans aucune complicité? Voilà la vraie question. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de cette histoire étonnante de 1809, l'attentat de Frédéric Stabs contre Napoléon. Attentat raté, on vient de le voir, Napoléon interroge Frédéric Stabs. Et la question sur laquelle vous nous avez laissé, est-ce qu'il a agi seul, Stabs? Alors, en fait, c'est Jean Tullard qui pose la question. La tentative de Stabs était-elle inspirée par la cour de Prusse? Napoléon l'a cru un moment, incapable qu'il était de comprendre la motivation patriotique du jeune Allemand. Il le fit interroger par l'espion Schulmeister. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce Schulmeister qui est toujours là, toujours présent dans ses affaires. Nouvel interrogatoire donc, qui passe de nouveau en revue tous les éléments de la tentative d'assassinat. Seulement, Schulmeister a beau insister sur d'éventuelles complicités, Frédéric affirme toujours qu'il a agi seul. Donc, ce serait l'acte d'un fanatique. Difficile de trancher quand même. Il faut sans doute se méfier d'une lecture trop simpliste, même s'il est vrai qu'une lettre de Stabs adressée à ses parents au moment de son départ pour Vienne montre une détermination teintée de mysticisme. On lit notamment dans cette lettre « Je priais Dieu de me donner les moyens de pouvoir exécuter mes desseins. C'était au moment où je vis la lumière et qui me parut belle comme Dieu dans sa majesté. Ses paroles, semblables aux coups de tonnerre, me disaient « Pars et fais ce que je t'ai ordonné. Je serai ton guide et je t'appuierai de mon secours. Tu arriveras au but, mais tu sacrifieras ta vie et tu seras heureux avec moi. C'est alors que j'étendis les mains et que je prêtai effroyablement et sincèrement le serment de lui obéir jusqu'à la mort. » On pourrait penser un peu aux écrits qu'avait laissé Charlotte Corday avant de quitter Caen et d'aller commettre son crime réussi, celui-là, contre Marat. En effet, c'est la mort qui attend Frédéric Stapps. Dès le 15 octobre, une commission militaire le condamne à l'exécution sur la base d'une accusation d'espionnage, motif abusif, mais qui permet d'étouffer l'attentat, parce que c'était ça le but politique. Dans la soirée, le verdict est annoncé à l'assassin, qui, fidèle à lui-même, ne sourcille pas, et le lendemain, à 3h du matin, c'est le moment de son dernier réveil. Il s'entretient un moment avec un pasteur, puis il est mené sur un glacis de rempart, où un poteau d'exécution l'attend. Un tissu lui est mis sur les yeux, les grenadiers sont face à lui, mettent en position. C'est un jeune homme de 17 ans qui est en face quand même. Et il a le temps de s'exclamer « Je meurs pour la patrie allemande, heureux de m'être acquitté envers Dieu de la promesse que je lui avais faite. » Et voilà l'ordre ultime, feu, c'en est fini, de Frédéric Stapps. On le voit, c'est un attentat qui ne fait que croiser très furtivement l'épopée impériale. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'un épisode secondaire ? Eh bien, il semble que l'empereur ait été ébranlé par cette affaire. Il est même probable que cette affaire ait joué un rôle dans la conclusion effective du traité de paix avec l'Autriche. Une autre considération frappa Napoléon, nous dit Jean Tullard, la fragilité de son pouvoir. Il n'avait pas d'héritier. S'il avait été assassiné par Stapps, il avait échappé de peu. Il eût été impossible de crier « Napoléon est mort, vive Napoléon II oui. ». Le poignard de Stapps avait manqué Napoléon. Mais il tuait Joséphine. Bonjour Jean Tullard. Bonjour. Il tuait Joséphine parce que Joséphine ne pouvant pas donner d'héritier à l'empereur, il va falloir penser à un divorce et à épouser une héritière féconde, ce qui sera une impératrice, ce qui sera le cas donc d'ailleurs, de Marie-Louise d'Autriche. Elle viendra de Schönbrunn, elle aussi, un peu plus tard. Oui, l'attentat de Stapps ne serait qu'une péripétie. Il y a eu, vous l'avez dit, énormément d'attentats contre Napoléon, certains que nous ignorons parce qu'on faisait le secret autour de ces attentats. Sûr. Et là, d'ailleurs, il ne va pas être jugé et condamné pour avoir tenté d'assassiner Napoléon, mais pour espionnage. Alors le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait espionner dans une parade militaire ? Mais cet espionnage permet de couvrir complètement l'affaire. Ça passe pour une affaire politique, entre guillemets, classique. Il est exécuté pour espionnage et on ne parle pas, notamment dans les gazettes, c'est très important, on ne parle pas de la tentative d'assassinat. Absolument pas. Il faut faire attention, ça peut susciter des émules. Alors, c'est la période de Napoléon la plus heureuse de sa vie. Il n'a plus d'adversaire, il dédaigne l'Espagne, il a vaincu le dernier, l'Autriche, et il coule des jours heureux à Schönbrunn, où il s'est installé dès le mois de mai. Le vin blanc, il abandonne le Chambertin, coule à flot, il y a des représentations théâtrales, on donne le Barbier de Séville, de Paisiello, et en plus, il a Marie Walewska, qui lui fait oublier Joséphine. Mais cet événement, qui a été précédé d'un autre événement qui a frappé les esprits, c'est un peu avant dans la campagne, la blessure au talon de Napoléon au siège de Ratisbonne. Et si le viseur visait un peu mieux que le talon, à ce moment-là, tout s'écroulait. Et déjà, tout s'écroulait en 1808, lorsque Napoléon était parti en Espagne et que les deux vieux adversaires, Talleyrand et Fouché, s'étaient réconciliés, s'étaient retrouvés lors d'une réception à l'hôtel Matignon, l'hôtel de toutes les trahisons, et ils s'étaient entendus pour prévoir, au cas où un poignard espagnol serait planté entre les omoplates de Napoléon, prévoir un successeur, et ils avaient envisagé Murat. Mais, hélas pour eux, ces vieux malins, pourtant, avaient envoyé un courrier à Murat qui fut intercepté à Milan par Eugène de Beauharnais. Ce qu'il faut dire, mais on va revenir sur tout ça dans un instant, c'est que Napoléon avait eu cette liaison déjà avec Éléonore de Noël, qu'il était maintenant avec Marie Walewska, et que le moment de cet attentat de Frédéric Stapps tombe exactement au pire pour Joséphine, c'est-à-dire au moment où il est question très sérieusement de la succession de l'empereur. Hein. Et elle le sait. Ses lettres traduisent, on a les lettres, elles traduisent une inquiétude. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe à Schönbrunn ? Il ne rentre plus, car il ne rentre plus. Il a vaincu les Autrichiens. Il s'est installé, en fait. Oh, oui, on traîne les négociations, on multiplie les parades. Les parades étaient, il faut le dire, éblouissantes. D'ailleurs, nous en avons deux témoignages. C'est Balzac dans La femme de 30 ans oui, et Sainte-Beuve dans Volupté. ces parades qui ont été immortalisées par des images faisaient grosse impression. Et vous avez évoqué Staps impressionné ou Beethoven, mais il y a quelqu'un d'autre, c'est Hegel. Hegel, le philosophe qui voit une parade après, à Berlin après la victoire d'Iéna et qui dit « J'ai vu passer l'âme du monde à cheval ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous plongez au cœur de l'histoire des crimes et des attentats sous Napoléon. Et votre invité nous en dit plus et nous éclaire sur cette période. C'est Jean Tullard que vous recevez de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne et auteur du Monde du crime sous Napoléon 1799-1815, paru à la librairie Vuibert. Alors, vous parlez dans cet ouvrage de bien d'autres types de crimes. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr, on va évoquer un peu tout cela. Pour revenir quelques instants sur Frédéric Staps, quelle était la motivation de ce jeune homme? Je pense qu'elle est simple en même temps, mais c'est important de le dire. Elle est très simple. On a prétendu qu'il était manipulé par des comploteurs. Évidemment, il y a les Illuminés de Bavière, société ésotérique, etc. Mais on ne voit aucun lien entre ces Illuminés et le pauvre Staps. Staps est simplement conditionné par l'ambiance du temps. N'oubliez pas qu'il y a un réveil national allemand. Fichte va prononcer ses fameux discours à la nation allemande. Le poète Körner va chanter également la nation allemande. Et surtout, il y a les sermons des prêtres, surtout des pasteurs protestants. N'oubliez pas que c'est un protestant, fils de pasteur, et que donc il est conditionné par les cérémonies religieuses où l'on stigmatise Napoléon. Bien sûr, il a arrêté le pape, ça, les protestants s'en moquent, mais enfin, oui. Enfin, quand même, c'est la bête de l'Apocalypse qui apparaît, et donc il est... On voit très bien dans ses lettres ce mysticisme qui l'anime et qui s'explique uniquement par le contexte religieux. Donc là, une dimension religieuse, plus que nationaliste d'une certaine manière, nous dites-vous. C'est son émule, la Sala, qui va ensuite tenter à son tour en 1811, qui lui, c'est raisonné, c'est sur les conditions économiques, les conditions politiques de l'Allemagne, il l'explique. Là, c'est une sorte de fou mystique. Oui, alors vous dites fou mystique, mais Corvisart, qui l'a examiné de près, nous dit qu'il est parfaitement sain de corps et d'esprit, qu'il ne présente aucun symptôme de folie, qu'il était responsable de ses actes. Ah mais les fous raisonnent admirablement. C'est ce qui permet de les distinguer. Mais comment expliquer qu'un jeune homme de 17 ans se retrouvant face à l'empereur qu'il a tenté d'assassiner puisse garder parfaitement son calme? On ne l'a pas vu trembler, on ne l'a pas vu hésiter dans les réponses qu'il a apportées. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant là. Vous allez me dire c'est la folie, c'est ça? C'est l'insensibilité du fou. Non, ouais, mais il est en face de Napoléon et Napoléon ne représente qu'un but. Et on a l'impression pourtant que Napoléon est tout prêt à le gracier, il cherche, c'est même assez rare, on voit que Napoléon est, si l'on ose dire, en vacances à Schönbrunn, parce que on voit qu'il prend le temps d'essayer par tous les moyens de sauver ce garçon. Il n'y arrive pas en fait, c'est un paradoxe. Je vous l'ai dit, Napoléon est heureux, Schönbrunn, et donc il n'a pas envie. Lorsqu'il y a l'attentat de la rue Saint-Nicaise, il est encore dans un régime incertain, oui. Il est convaincu que c'est Fouché qui a laissé les Jacobins développer l'attentat. Non, mais là, le coup tombe, mais là, il n'y en a pas. Est-ce que ça s'est su à l'époque qu'il a essayé d'assassiner Napoléon? Est-ce que c'est une histoire qui s'est répandue à l'époque? Ça a été très étouffé dans les gazettes, et on dit simplement qu'il y a eu une affaire d'espionnage et que Frédéric Staps a été de même fusillé. De même, l'affaire La Sala est étouffée. On ne la connaît, il y a très peu d'archives. Pour Staps, nous avons simplement les interrogatoires, mais comment les avons-nous? Par les mémoires de Rapp. C'est Rapp qui... Rapp parlait allemand, il était strasbourgeois, parce que Staps parle allemand, seulement allemand, et Napoléon parle français et ne parle pas un mot d'allemand. Pas plus d'ailleurs qu'un mot d'anglais, hormis l'italien encore. Bon, Napoléon n'était pas doué pour les langues étrangères. Et comme Staps ne l'est pas non plus, il faut donc qu'il y ait un intermédiaire qui est le général Rapp et qui est quelqu'un de... Je ne dirais pas un imbécile, mais quelqu'un qui note tout fidèlement. On peut lui faire confiance. Il ne va pas inventer, il ne va pas broder, il ne pense pas à la postérité. Non, il note ça. Et c'est en cela que c'est impressionnant. Un peu étonnant que ce Staps se soit muni uniquement d'une arme blanche et qu'il n'ait pas eu l'idée, il aurait été tellement plus simple de tirer de loin sur l'empereur plutôt que d'essayer de l'approcher au corps à corps. C'était quand même beaucoup plus... Il ne sait pas tirer au pistolet. Oui. C'est les attentats au pistolet, ça a été des généraux comme Fournier, Sarlevez ou Donadieu qui, eux, disait, je vais aller à l'opéra, je serai dans une loge en face du premier consul, et hop, je le dis, c'est une balle entre les deux yeux. Et c'est ça, c'est les militaires. Les conspirateurs, c'est plutôt le poignard. Il y a même des conspirateurs extraordinairement ingénieux que j'évoque dans mon livre. Ce sont des Indiens qui viennent pour poignarder, non pas poignarder véritablement Napoléon, mais ils ont un poignard qui a été trempé dans du poison de Java. Imaginez Napoléon piqué par un poignard. C'est déjà la Corée. Oui, c'est déjà la Corée. Vous savez, c'est déjà... Parce que vous savez tout. C'est le parapluie bulgare. Oui, c'est ça. Les tentatives d'attentats contre Napoléon, je les ressens dans mon livre. C'est extraordinaire. Il y en a tous les procédés. On a l'impression que l'Europe entière est en train de se creuser la tête pour savoir comment on va pouvoir tuer ce bougre d'homme. C'est invraisemblable quand même. Alors que c'est une cible très facile. Sa sécurité est très mal assurée par la gendarmerie. Vous le voyez au moment de la parade. Et l'autre se rapproche de plus en plus. Au passage, la police n'a pas fait du tout son travail, là. Alors ça, c'est pas Fouché, là. Nous ne sommes plus dans la... On est en 1809, oui, là. Nous sommes là, c'est... ça échappe à la juridiction de Fouché. Fouché est encore ministre à ce moment-là. Il est encore ministre, oui. Là. Il va être disgracié. Ça échappe entièrement à Fouché. C'est la gendarmerie d'élite, c'est-à-dire Savary, les gendarmes, et puis les aides de camp qui protègent. Fait partie de ces aides de camp. Alors, puisque vous parlez de Fouché, justement, votre ouvrage est partagé entre ordre et désordre. Du côté de l'ordre, au centre du dispositif, le fameux Fouché dont nous avons souvent déjà eu l'occasion de parler ensemble. Ce Fouché, c'est l'homme des fiches. C'est l'homme du contrôle et de la surveillance. Oui, alors là, nous sommes en Autriche, nous ne sommes plus en France, l'autorité lui échappe. Fouché, c'est l'homme de la police, mais... Dans mon livre, il ne joue qu'un rôle plus effacé parce que c'est la haute police, la police politique. Et ce que le crime banal, ne l'intéresse pas vraiment, il dit les filles, les boues et les réverbères, je laisse ça au préfet de police. Et c'est donc le préfet de police. Mais très important l'institution du préfet de police. Ah ben, elle est créée par Bonaparte. Et ce que je souligne notamment, elle est installée à l'époque rue de Jérusalem. Rue de Jérusalem, c'est autour du palais, une rue qui a été détruite à l'époque de la révolution haussmannienne. Mais... L'hôtel du préfet de police descendait sur la Seine, sur le quai des Orfèvres. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, le mythe du quai des Orfèvres est sous Napoléon. Et il y a là, à la préfecture de police, les plus formidables limiers, peut-être même de l'histoire de cette maison, dans la mesure où vous avez un personnage comme Bertrand, qui est spécialiste plutôt de la police politique, qui procède aux interrogatoires, de façon musclée, et qui déclare « On ne se trompe ici que quand on remet en liberté ». Ce qui est un mot admirable. Et vous avez donc un certain Bouche Sèche, au nom magnifique, qui est l'homme qui a la charge de la censure. C'est lui qui fait enfermer Sade à Charenton, qui en même temps récupère les écrits de Sade. Le préfet de police, lorsqu'il donne des soupers fins, les gens s'installent, ils défont leurs serviettes et ils trouvent des écrits très osés de Sade, avec des petites images libertines. J'évoque tout ça. Et puis, il y a Henri. Henri, c'est vraiment le chef de la police judiciaire, ce que nous appellerions aujourd'hui la police judiciaire. C'est lui qui a compris que pour vaincre les criminels, il faut utiliser d'autres criminels. Et on ne fait pas de la police avec des enfants de cœur. Et donc, il va utiliser des bagnards, et notamment le fameux Vidocq qui débute à cette époque. Jean Tullard, Le monde du crime sous Napoléon, édité à la librairie Vuibert, de donc 1799, pardon, coup d'État, jusqu'à 1815, fin de la des 100 jours. C'est toute l'histoire du crime, parce que là, nous avons parlé d'ordre, mais dans un instant, nous allons évoquer le désordre. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire des crimes et des attentats sous Napoléon avec son invité Jean Tullard de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne, avec un livre à dévorer, Le monde du crime sous Napoléon, 1799-1815, un livre signé Jean Tullard, paru à la librairie Vuibert. Alors il n'y a pas que, là nous avons, j'ai raconté ce qu'on pourrait appeler un crime d'État, même si ça ne va pas très loin, on l'a vu, mais ça a eu des conséquences très importantes sur un plan dynastique, ça c'est l'ironie de l'histoire d'une certaine manière, mais il y a bien entendu dans cette période du consulat et de l'Empire, beaucoup d'autres types de crimes. On a toujours l'image d'un directoire qui serait peuplé de contrebandiers, de faux-monnayeurs et d'assassins divers, et d'un seul coup, une chape de plomb s'est temps sur la France. Napoléon remet tout en ordre. On a toujours cette fameuse expression assez agaçante. Derrière, il siffle la fin de la récréation, n'est-ce pas? Et tout le monde est au garde à vous. Pas du tout, nous dites-vous. C'est une période, au contraire, très agitée, très troublée que celle de Napoléon. Oui, en effet, le directoire a été chargé de tous les péchés grâce à une affaire fameuse, l'affaire du courrier de Lyon. Bon, et du coup, il est devenu une période d'insécurité. Mais ça continue. Les courriers sont constamment attaqués. Quand vous dépouillez les bulletins de police quotidiens que Fouché remet à l'empereur, vous trouvez constamment des attaques de courriers, surtout ceux qui transportent les fonds publics. Car on sait, quand il y a un transfert de fonds publics, il y a toujours eu un type qui prévient les brigands, et ceci, malgré la présence d'un ou deux gendarmes, attaque. Il y a les fermes isolées, où on chauffe les pieds des fameux riches paysans, c'est les chauffeurs, comme l'on dit. Oui. Ça existe encore, on les retrouve. Et il y a aussi les enlèvements. Et on n'enlève pas n'importe qui. On enlève, en 1800, en septembre 1800, oui, un sénateur, Clément de Ris. Il est enlevé. Décidément, tout ça est très balsacien. Hein, ah bah, c'est, vous me tendez la perche. En effet, le sénateur Clément de Ris est enlevé par ce qu'on pense être des chouans, qui vont finalement le remettre en liberté un peu plus tard, mais quelques jours plus tard. Et la rançon qui a été versée ne sera jamais touchée. C'est très étrange, parce que le sénateur Clément de Ris dit « Je ne sais pas qui m'a enlevé, je ne sais pas où j'étais, etc. » Oui, c'est une affaire pour le moins trouble. Hein. Oui, c'est une ça ténébreuse. Ça ressemble à un coup monté. Oui, c'est une ténébreuse affaire. Car Balzac va s'en emparer et va nous expliquer pourquoi on a enlevé un sénateur. C'est que ce sénateur aurait été, vous vous rappelez, Marengo, dans un premier temps, la bataille est perdu par Bonaparte, et les courriers arrivent à Paris. Nous sommes en juin 1800, le coup d'État est de novembre. Donc, le pouvoir de Bonaparte est encore incertain. Et donc, les courriers annonçant sa défaite, Fouché et Talleyrand, l'un est ministre des Affaires étrangères, enfin des Relations extérieures à l'époque, et l'autre ministre de la Police, s'entendent. Et comme nous vivons dans le souvenir de l'Antiquité, qu'il faut un triumvirat, et que vous avez César, Pompée, Crassus. Vous avez Antoine, Octave, Lépide. Donc il faut un troisième comparse. Toujours le troisième larron qui est là. Oui. J'allais dire, on va à la buvette du Sénat, on rafle un sénateur, Clément de Ris, et donc avec lui on rédige toutes les proclamations, on installe le nouveau pouvoir. Vous voyez comme le pouvoir de Napoléon a été incertain. On n'est pas encore à stable, mais vous voyez, ça tremble tout le temps. Jamais un souverain n'aura été aussi incertain dans son pouvoir même. Et donc on forme un triumvirat, et voilà que les courriers nouveau arrive et annonce que Désé, ou de sexe, comme vous voulez, s'est présenté sur le champ de bataille et que Marengo est devenu une victoire. Et donc, évidemment, Fouché et Talleyrand brûlent leurs papiers, mais Clément de Ris était-il un imbécile ou, au contraire, un homme très habile qui gardait pour faire chanter ensuite les deux ministres, les papiers, en tout cas, il ne les brûle pas. Et vous comprenez pourquoi Fouché, sous le prétexte de brigandage, voilà, le fait enlever et il est libéré. Donc Fouché est évidemment là derrière toute cette affaire. Alors, entre les traités, les coalitions, etc., il y a tout un contexte diplomatique qui va favoriser également tous les événements douaniers, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a de la contrebande en quantité dans cette période. Alors, également. C'est là peut-être, plus que le brigandage, l'insécurité dans l'Empire. C'est que le blocus continental, décidé par le décret de Berlin, après l'entrée de Napoléon dans Berlin, nous sommes en 1806, en novembre 1806, ferme le continent aux marchandises anglaises qui dominaient l'économie. C'est l'inverse du Brexit. Là, c'est pas l'Angleterre qui se retire, c'est nous qui prions l'Angleterre de s'en aller, de ne plus nous envoyer les denrées coloniales et tout. Mais vous imaginez, plus de cacao, plus de café, plus de sucre, plus... L'industrie textile anglaise était infiniment supérieure à celle du continent puisqu'elle avait fait sa révolution industrielle, le machinisme. Donc, plus d'étoffes pour les élégantes. Bref, va se développer immédiatement une contrebande énorme, c'est-à-dire que les ballots de marchandises sont débarqués sur les côtes allemandes, même sur les côtes françaises, et peu partout. Et donc, des contrebandiers, j'allais dire des brigands, forment de véritables bandes organisées, et même ces transferts de marchandises en contrebande sont assurés, notamment par la Yold. Donc, vous voyez, on assure et on aboutit effectivement à une insécurité totale parce que ces brigands s'affrontent avec les douaniers et ils sont armés. Et donc, c'est la guerre civile sur le territoire. Et puis, depuis la Révolution, n'oublions pas qu'on fait des billets de banque, des assignats, etc. Tout ça, évidemment, favorise la fausse monnaie. Donc, ça n'aide pas non plus. C'est dément, cette contrebande. Je vais vous en prendre qu'un exemple que je cite dans mon livre. Duroc. Non, c'est Bessières, le maréchal, est tué à 1813 pendant la campagne d'Allemagne. Et Napoléon décide de rapatrier sa dépouille avec tous les honneurs. Donc, un convoi funéraire va partir d'Allemagne et va traverser la douane à Strasbourg. Ce convoi arrive, alors les douaniers se mettent tous au garde à vous. Salut, convoi d'un maréchal d'Empire, mort au combat. Et il y en a un qui est un peu distrait, qui sont fous, ils regardent un peu dans le lointain. Et stupéfaction, il aperçoit un deuxième convoi qui arrive, le même exactement. Alors il se demande s'il n'est pas victime d'une hallucination, s'il a bu un peu trop de schnapps ou de bière, en tout cas. Et effectivement, on arrête tout et on découvre que dans le premier convoi, il y avait un cercueil, mais il n'y avait pas Bessières dedans. Il y avait toute une série de marchandises de contrebande. C'est vous dire jusqu'où allait l'imagination des contrebandiers. Magnifique. Vous concluez par tout un glossaire sur l'argot des voleurs. Alors, je suis allé à la lettre T comme Tullard. Le tabac, c'était déjà le schnouf, finalement. Prendre du tabac, c'est-à-dire nifler du schnouf. Une table, c'est une charente. La tête, votre tête, c'est la boule. Déjà, vous voyez. Tromper, faire le saut. Un témoin, c'est un parrain. Et faire un trou, c'est faire un... On dit griffer un ivet. Vous avez comme ça une sorte de langue parallèle qui s'établit. C'était celle des brigands, qui était celle de Fra Diavolo. Mais Fra Diavolo parlait italien, mais il parlait aussi français en partie. Donc c'était le langage de ce monde du crime. Passionnant ouvrage que ce monde du crime sous Napoléon de 1799 à 1815, signé de Jean Tullard de l'Institut. C'est à la librairie Vuibert. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À quelques heures du week-end, c'est en Autriche que nous propose d'aller Lorena Martin cet après-midi et elle est notre guide. Bonjour Lorena, ça vous va Schönbrunn, vous ça, oui, ça, c'est bien ça pour me va vous, bien. Ça. Oui. Cette ambiance très impériale, c'est le site le plus touristique, le plus visité d'Autriche, là, oui, notamment, vous l'avez dit, Frédéric Stapp tente d'assassiner Napoléon. Oui. Et depuis 2014, figurez-vous qu'on peut dormir dans la grande suite du château. Wow. Non. Ce château génial. Où ont notamment résidé l'impératrice Sissi, Napoléon, Mozart, Marie-Antoinette, Kennedy, etc. C'est l'ancien palais d'été des Habsbourg. Et donc, le château et ses jardins ont été construits à la fin du XVIIe siècle après le siège de Vienne par l'Empire ottoman. Mmh. Ils ont été entièrement remodelés au XVIIIe sous Marie-Thérèse. Il y a plus de 1400 pièces à l'époque de François-Joseph et Sissi. Un Versailles au féminin, disait Napoléon, justement, je crois. Tout à fait. Dans le style assez rococo. Mmh. L'empereur François-Joseph y est né en 1830. Il y passera les dernières années de sa vie. Mozart s'y est produit à l'âge de 6 ans dans la salle des glaces du château. Napoléon, comme vous l'avez dit, séjourne et travaille notamment et dans le salon. Et s'y attarde dans le salon Vieux Lac. Le congrès de Vienne siège dans la grande galerie et l'empereur Charles Ier y signe sa renonciation au trône. J'imagine qu'on ne dort pas dans le salon des lacs de l'impératrice Marie-Thérèse quand même. Où alors, est-ce qu'on s'installe? La suite donne sur les jardins du château, sur la Gloriette, la fontaine de Neptune, le jardin privé, le jardin et le parc du palais. Elle se situe juste au-dessus de l'ancienne chambre à coucher de l'empereur François-Joseph et du bureau de l'impératrice. Ici, on est là dans l'aile est du palais de Schönbrunn. C'est une suite de 167 mètres carrés pour 4 personnes avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, un grand salon, une salle à manger, les petite photos cuisine. Sont incroyables. Et la suite a été rénovée dans ce style baroque impérial, bien sûr avec tout le confort moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'est décoré dans des tons de blanc, noir, or avec de la soie damassée rouge, des stucs, des lustres, un lit à baldaquin. Et tenez-vous bien, il y a différentes prestations qu'on peut ajouter. Le dîner avec cuisinier personnel, balade en fiacre, service de majordome ou encore une visite guidée privée du château. Évidemment qu'a priori comme ça, ça fait un peu rêver. Mais quand on réfléchit 2 secondes, ça fait plus rêver du tout. C'est-à-dire que si on peut maintenant s'installer au palais de Schönbrunn, mais il n'y a plus de lieu inaccessible sur cette planète. Oui, merci Lorena d'avoir cassé nos rêves en essayant de les alimenter. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il est temps maintenant de retrouver Clémentine Portier-Kaltenbach pour son coup de cœur du vendredi. Clémentine, que vous pouvez lire dans les pages de Femmes Actuelles Jeux. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck. On a souvent un peu maltraité Pasteur à cette antenne, oui. il faut bien le dire, puisque nous avons émis quelques doutes sur beaucoup de choses le concernant. Mais alors vous, c'est votre coup de cœur de la semaine. Oui, j'allais dire, contrairement à Lorena, j'allais vous emmener dormir dans un endroit nettement plus bourgeois, mais qui est fort intéressant aussi, car à Paris, quand on veut voir un bel intérieur de richissime, on va au musée Jacquemart-André. Quand on veut voir un intérieur bourgeois, dans son jus, on va dans la maison de Pasteur, au musée Pasteur. Mais dans un premier temps... On a l'impression qu'il est là. C'est vraiment... C'est la deuxième partie de ce coup de cœur, je l'évoquerai brièvement. La première est consacrée à l'exposition que le Palais de la Découverte consacre à Louis Pasteur à l'occasion de son 80e anniversaire. Et déjà, en 1937, le Palais de la Découverte avait consacré une salle aux travaux du savant. 80e anniversaire du Palais de la Découverte. Alors, il y a deux choses. Il y a le 80e anniversaire du Palais de la Découverte et les 130 ans de l'Institut Pasteur. L'exposition elle-même est organisée en 6 actes. Alors, on va suivre tout le parcours du grand savant, sa vision de chercheur, l'innovateur et l'inventeur. Le premier acte, c'est naturellement, il est naturellement consacré à la composition et la propriété des cristaux. Ce sont les premiers travaux de Pasteur. En fait, il avait eu l'agrégation de physique en 1846 à 24 ans, mais il se consacre d'abord à la chimie. Ensuite, il va mener des travaux sur la lumière qui vont lui valoir d'être nommé professeur de chimie suppléant à la faculté des sciences de Strasbourg à 26 ans seulement. Et surtout, ce qui est très impressionnant, à 32 ans, il est doyen de la faculté des sciences de Lille à 32 ans. Ah oui, ça, c'est pas l'ambition qui faisait des fois Pasteur. C'est certain. C'est d'ailleurs une des choses qui peuvent lui être un peu reprochées. C'est son amour des gratifications, des décorations, de la lumière. Mais enfin, que n'a-t-il pas apporté à la science de son époque? Ses travaux ensuite sur les fermentations lactiques, la pasteurisation et la fermentation alcoolique. Les brasseurs de Lillois lui doivent beaucoup. Emmenez-nous chez lui, là, dans cet Alors moi, j'adore cet endroit-là, vraiment. Une visite indispensable dans une vie, la maison de Pasteur à l'Institut Pasteur, qui donc fête aussi ses 130 ans. Il s'y installe après avoir trouvé le vaccin contre la rage, parce que les dons affluent, et donc il peut s'offrir une belle maison et créer son institut. Et même institut. Un mausolée, hein, entre nous. Alors ça, c'est sa femme. Hein, c'est sa femme Marie. 45 ans de mariage avec une femme pas commode, très occupée de la gloire de son mari. D'ailleurs, elle signait ses lettres à son mari, à toi et à la science pour la vie. C'est pas beau, sa belle déclaration d'amour. Alors, à cette maison Pasteur, vraiment, on pénètre dans l'intimité d'un grand bourgeois du 19e. Alors, c'est vraiment le style, les arts décoratifs typiques, c'est-à-dire des chaises cathédrales, les cheminées couvertes, des passementeries partout. Alors là, gogo, des couvertures vrai, de piano, oui. Des objets incroyables, des vases de galets avec des bacilles, ce magnifique vase offert par le prince Youssoupov, un vase en malachite qu'il lui a offert quand Pasteur a soigné des paysans de Smolensk qui avaient été mordus par des loups, dont on voit les portraits, les photos en noir et blanc de ces paysans. Vous rendez compte qui arrivaient du fin fond de la Russie pour être soignés par 15e de la rage par Pasteur. Il y a ses cahiers d'expérience dans son laboratoire. On trouve même, moi ça m'a fasciné, là vous allez peut-être pousser des cris, mais il y a de la moelle desséchée de lapin rabique, c'est-à-dire ce avec quoi Pasteur a compris comment on pouvait soigner de la rage. Et puis il y a des os et de la moelle, ça vous plaît? Ah, moi ça me plaît de toute façon. Mais il y a aussi, attendez, ça va vous plaire davantage, je crois qu'il y a un cocon de fil d'or offert par les éleveurs de vers à soie de l'Hérault. C'est un ravissant objet. Tous ces vêtements et des boîtes à camembert à l'effigie de Pasteur, des billets de banque et des médailles. Comment fait-on pour visiter tout ça? Oh, mais c'est un musée qui est visitable absolument toute la semaine, aux conditions de la plupart des musées. Alors, l'Institut Pasteur. Alors, pour ceux qui ont davantage l'esprit scientifique, allez au Palais de la Découverte jusqu'au 19 août. Et puis pour si ceux vous qui, êtes comme moi, des aiment la moelle de lapin rabique et les cocons d'or des éleveurs de vers à soie, ce sera plutôt l'Institut Pasteur. Et si vous êtes napoléonophile, si j'ose dire, comme Jean Tullard, vous n'oublierez pas que Pasteur était aussi un grand bonapartiste. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.